بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في سورة النحل، toujours سورة الزبي، في المسألة الثالثة بعد المئة، 103e مسألة، في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Que cet Allah est avec ceux qui ont craint et ceux qui sont bienfaisants. Verset 128. Et là, c'est la dernière masala de sourate An-Nahl. قال رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن معية الله خاصة بالمتقين المحسنين وقد جاء في آية أخرى ما يدل على عمومها ويقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. Donc ce noble verset, selon le verset, dans son apparence, démontre que la ma'iyya d'Allah, c'est-à-dire que le fait que Allah soit avec sa création, c'est-à-dire les mukallafin, que cela est une chose qui est spécifique aux gens pieux et aux bienfaisants. Que Allah n'est que avec ces gens-là. Et pourtant, d'autres versets sont venus montrer que cette ma'iyya, le fait que Allah soit avec sa création, d'accord, et non pas par son essence et par sa présence en lui-même. Tambi a bien cité que cette ma'iyya est plus générale. Dans le sens où Allah dit, et qu'il n'y en ait pas trois qui parlent entre eux secrètement sans qu'il ne soit le quatrième, ni cinq sans qu'il ne soit le sixième, ou moins que cela sans qu'il ne soit avec eux. Ou plutôt, pas moins que cela ou plus que cela sans qu'il ne soit avec eux. Que Allah est avec eux. Al-Mujadala, l'entretien, verset 7. Wa qawluhu ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Il est avec vous où que vous soyez. Al-Hadid le fait à verset 4. Wa qawluhu ta'ala falanakusanna 'alayhim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Que certes nous allons leur citer avec science, c'est-à-dire ce qui s'est passé, car nous n'étions pas absents. Nous n'étions pas absents. Al-A'raf verset 7. Wa qawluhu wa ma takunu fi sha'nin. Donc, dans le sens, Allah il dit quoi ? Dans d'autres versets, il dit qu'il est avec vous où que vous soyez. Hadith, le fer, verset, l'acier, verset 4. Et sa parole, quand il dit que certes, nous allons leur citer avec science, nous n'étions pas absents. Al-A'raf, verset 7. قال والجواب أن الله أن لله معية خاصة ومعية عامة. Donc la réponse est tout simplement que la ma'iyya a les deux catégories. Ça c'est une masala qui est prise dans les kutub de Aqida Kadhalik. Celle qui est spécifique et celle qui est générale. D'accord, que Allah avec des gens de façon spécifique et il avec d'autres personnes avec sa création de façon générale. فالمعيّة الخاصة بالنصر والتوفيق والإعانة وهذه لخصوص المتقين المحسنين كقوله تعالى إن الله مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْ. Donc celle qui est khas, spécifique, c'est celle qui est celle du secours, celle de la réussite et celle de l'aide apportée. Et celle-ci est justement pour les gens pieux et les gens bienfaisants. Comme dans le sens où il dit que certes Allah est avec ceux qui craignent. وَقُولِهِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَ إِنِّي مَعَكُمْ. Et lorsque ton Seigneur révèle aux anges que certes je suis avec vous. Al-Anfal, le butin, verset 12. وَقُولِهِ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى. Lorsqu'il dit à Moussa et Haroun, « Certes, je suis avec vous deux, j'entends et je vois. » Taha, verset 46. وَقُولِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Ne sois pas attristé, certes, Allah est avec nous. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit cela à Bakr dans la caverne. Tawba, verset 40. Donc ça, c'est la ma'iyya qui est khassa. وَمَعِيَّةُ عَمَّ بِالْإِحَاطَ وَالْعِلْمِ. Et celle qui est générale, c'est celle que Allah sait toutes choses et la science, qui est le savoir de toutes choses. Qui entend toutes choses et le savoir de toutes choses. لأنه تعالى أعظم وأكبر من كل شيء محيط بكل شيء فجميع الخلائق في يده أصغر من حبة الخردل في يد أحدنا. Donc, car Allah est plus immense et plus grand que toutes choses et qu'il entoure toutes choses et que toute sa création est dans sa main encore plus petite que un grain de moutarde dans la main de l'un d'entre nous. toute la création. T'as même, et encore plus petite dans sa main que le seul ne le saurait, un grain de moutarde dans la main de l'un d'entre nous. Voilà le mathul a'la, wa sayati la'u ziyadatu idah, ou idah, fi surat al-hadid, incha'Allah. Wa yi'ammatun li kullin khala'iq. Kama dallat alayhi al-ayatul mutaqaddima. Et il y aura encore un surplus dans la mas'ala, qui sera encore plus développée dans surat al-hadid, incha'Allah. Donc cette ma'iyya, elle est également générale et concerne toute la création, comme le prouve les versets précédents. Donc nous, on citait de façon particulière, yani par rapport au mukallafin, mais que Allah, yani, de façon plus générale encore, avec toute sa création en réalité. Et cela par sa science. D'accord ? Par sa science, et le fait qu'il sainte toute chose, et non pas par sa présence, par lui-même, car Allah n'est pas dans sa création. Allah n'est pas dans sa création. Rabbi Adal Qadnaqtafi, Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.